and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous en ce début du mois d'avril. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode inédit de Music and the City, le temps d'une petite demi-heure musicale. Ce soir, une programmation multiculturelle avec de la pop internationale, du bon rock français et un petit tour au Japon pour parler jeux vidéo. Oh oui, ça sent bon ce soir, un peu comme le printemps qui revient, mais pas comme ma voix qui est un peu enraillée. Bref, revenons à la musique et principalement à l'artiste qui va débuter cette nouvelle session. On ne présente plus Katy Perry, véritable star mondiale qui enchaîne les tubes depuis 10 ans maintenant. Tellement de tubes que les plus anciens peuvent un peu passer à la trappe. Mais grâce à moi, vous allez vous remémorer ces premières années très Katy Perryennes. Je n'annonce pas le titre, vous le connaissez par cœur, c'était son premier tube en 2008. Tout de suite, dans Music and the City, les premiers succès de Katy Perry, c'était ça. Music and the City. La musique des jeux vidéo. Sur Fadjet. On retourne à nos jeux vidéo et toujours cette licence chère à mon cœur. Cette licence qui déborde de mélodies et d'émotions toutes plus différentes les unes que les autres. Quand j'utilise justement le mot « émotion », ce n'est pas la légère, car la chanson qui suit s'intitule « Real Emotion ». Issue de l'OST du jeu Final Fantasy X-2, elle introduit l'histoire par une cinématique qui, à l'époque de sa sortie, c'était en 2004, poussait la PlayStation 2 dans ses limites graphiques les plus reculées. Comme le nom l'indique, Final Fantasy X-2 est la suite directe de l'épisode 10, sans doute l'un des plus appréciés des fans après le 7ème que l'on connaît tous. Ici, on y incarne Yuna, qui est devenue une chasseuse de sphères et qui va découvrir que Tidus, son grand amour, est peut-être encore en vie quelque part. Non, je vais pas plus loin dans l'histoire, je vous conseille maintes fois ce jeu qui est disponible sur PlayStation 4 en version HD remasterisée et qui n'a pas pris une seule ride. En tout cas, vous allez en prendre plein les oreilles avec l'excellent Real Emotion par la chanteuse japonaise Koda Kumi et en version anglaise, s'il vous plaît. Ah oui, pour l'international. All my wild imagination, but here I am finding myself so lost. And there is a way for me to turn back. All the things I see, they're different from what I had imagined they would be. Everything looks different, now I'm getting dizzy spells. It's real. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Eh Restons dans l'univers asiatique avec une artiste comme on n'en fait plus et comme on n'en fera sans doute plus. Voilà, c'est mon avis. J'aimerais, si je n'étais pas seul dans le studio, un tonnerre d'applaudissements pour un groupe qui a réussi à redonner un souffle nouveau au rock français, le groupe Inaïch. Derrière ce pseudonyme se cache une femme déjà, adorable, admirable, c'est Kim Thuy, qui a composé et arrangé à elle toute seule tout un premier album éponyme en 2007. Un album que j'avais découvert par hasard grâce à Internet, grâce à la magie d'Internet, j'ai envie de dire. Et depuis, je la suis partout. Enfin, surtout sur les réseaux sociaux, où elle trouve d'ailleurs régulièrement le temps de m'écrire un petit mot. Et ça, quand t'es fan d'un artiste, c'est vraiment kiffant. Petit bisou à Kim Thuy. 3 albums studio, un 4e projet en préparation et une multitude de tubes en puissance. Comme en témoigne le dernier single en date qui est paru sur l'album II3 en 2016. Le titre La fin du monde est sans doute l'une de mes chansons préférées puisqu'elle traite un petit peu de cette dualité de notre société et de l'environnement écologique et les deux ne se suivent vraiment plus aujourd'hui, on en est conscient. Un message poignant sur un fond rock comme ils savent le faire dans Inaïch, La fin du monde, mon coup de cœur de cette semaine.

L'artiste suivante a fait l'inverse de Sean Paul. Ouais, elle a pas bien compris le principe de l'union fait la force. À la fin des années 90, alors qu'elles étaient en pleine gloire, Jerry Halliwell annonce à la terre entière qu'elle quitte les Spice Girls pour se lancer en solo. Ah ! Quoi ? Ouais, ça a été ma réaction à l'époque. Après, bon, elle a surfé quand même sur le succès des Spice Girls pour proposer deux albums coup sur coup, qui ont quand même pas mal dépoté, on l'avoue. Mais c'est surtout avec une reprise qu'elle va cartonner dans le monde entier. N'est-ce pas un petit peu frustrant, Madame Halliwell, de faire des scores corrects avec ses créations originales et de n'être aujourd'hui, presque 20 ans après, uniquement connue et reconnue pour cette reprise de It's Running Man ? Vraiment, ça vous embête pas un peu ? En tout cas, nous, on adore. It's Running Man, Jerry Halliwell, tout de suite sur Fadjet Music and the City. Music and the City sur Fadjet. L'émission se termine, il en était temps parce que ma voix est affreuse ce soir. Je tiens à m'excuser pour ce petit contretemps. La semaine prochaine, vous verrez, je serai en pleine forme. Mais on se retrouve surtout dans quelques jours, jeudi, pour Génération VHS avec toute la team VHS, un nouvel épisode où l'on parlera de beaucoup de choses, tout ce que vous avez aimé dans les années 70, 80 et 90. Toujours le podcast de l'émission disponible dès demain matin sur le Facebook Fadjet-Music and the City et la rediffusion le samedi à 18h30. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour Music and the City, bien sûr, et à jeudi pour Génération VHS. Ciao à tous.